Je me souviens d'une fille blonde, mais je ne sais plus son nom. Nous l'avons tous connue, c'est le premier amour volé. Celui qui nous envoie au bout du monde, chercher des allumettes. C'est fou comme les tabacs sont loin dans les hôtels paumés. Je l'ai gardé autant que j'ai pu, et puis à cause du temps, un soir, je l'ai perdu. Au hasard d'une rencontre, on ne se souviendrait plus. Le temps passe, on oublie, on ne reconnaît rien, ça va de la blonde de sa vie à celle de ce matin. Je me souviens d'un connard qui ne voulait pas me biffer. Nous l'avons tous connu, c'est le premier gros qui aime cogner. Celui qui nous envoie au fond de la cour pour ne pas le croiser. C'est fou ce qu'il y a comme con qui devienne bachelier. Je l'ai haï autant que j'ai pu, et puis à cause du temps, un jour il s'est perdu. Même si je le retrouvais, je ne m'en souviendrai plus. Le temps passe, on oublie, en plus on ne reconnaît rien. Ça va du premier abruti à celui de demain matin. Quand c'est pas fini, l'eau devient mer et revient pluie. Les filles, l'alcool, la coke, les matins gris, et puis sa femme qui n'attend plus, qui se tire avec un inconnu. Seuls les chagrins restent à leur place, avec leur sale gueule dans la glace. Je me suis juré 100 fois de remettre tout à plat, nous avons tous fait ça. Je jure de ne plus jamais jurer. Ce genre de truc qui vous envoie au bout du monde pour vous vider la tête. C'est fou comme les alcools sont vagues à 47 degrés. J'ai encaissé autant que j'ai pu, et puis à cause du temps, un soir, je n'ai plus bu. Juste pour accompagner un verre d'eau whiskyzé. Le temps passe, on oublie, on ne reconnaît rien. Ça va de la blonde à l'abruti, jusqu'au voyage au bout de la nuit. Jusqu'au voyage au bout de la nuit.